sec. Comme Tupac, je veux m'appeler sur la cassette. Je me fais balayer tranquille car j'ai le cul sec. Dans le gamos comme dans Need for Speed. À la biche, je pense des S qui nique force speed. Force speed, force speed. La foot pique force speed. Sale boule à pas les culs qui nique force type. Rare bad, pique, je prends la fuite. Pas de balle, je suis un négro type. T'inquiète pas qu'il débite le terrain de shit. Parle mal, on chic, nous on parle qu'en chiffre. Trouvez ce qu'il est cœur, j'ai grave la vista. Faut du bif avoir la vista. Tout baiser et puis hasta la vista. Faire de l'argent et non avoir la vista. À ce qui paraît, je suis trop insolent. C'est sous l'ensoul, on lui voit avancer solo. Et c'est salaud, je leur passe un gros salam. À ceux là, salaud, comme on les a salus. Couche là, ce bâtard. Babi dans le rostov, est-ce qu'il placard. Descendre de bas que je cache le bleu de caviar. T'as les poches, t'as la frappe de pavard. Eh, je vois où sont ma ploute. La haine, on m'en fout qu'on en découle. Y aura des drames, des cadavres, on t'écoute. Fais pas ton mieux parce que ta voix tu ne bouge. Elle tape dans la craquette. Donc toi tu craques et tu cherches le nœud. Deux coups de crit, nègue, et y'a plus de nègue. Tu mouilles tout seul, faut que tu règnes, nègue. C'est vrai que t'es dans le coup, mais tu crates pas un. Si t'es dans le groupe, fais pas des trucs de temps. On s'avale les tentes et tu vois plus rien. Être calé, on va tuer ton fri. Je dois pas à la tête, je vais sur la perquise. Si je m'en dépense, ça c'est un train de vie. C'est un choix de vie, mais faut qu'on survive. Elle de baisser, nous les kings. Non, mais repère pas, j'ai de ma goupille. Casquette et NJO, copère d'Azix. Pas trop, elle s'en influence par la crise. Elle de baisser, nous les kings. Non, mais repère pas, j'ai de ma goupille. Casquette et NJO, copère d'Azix. Pas trop, elle s'en influence par la crise. Un Glock sur ta tempe, là c'est sous ou tu sais ce qui t'attend. Le temps c'est de l'argent, donc je sais pas si t'as le temps. Je presse la gâchette car finalement t'as pas le temps. Eh, faut faire plus de moulaga. Je fais partir ça de Paris jusqu'à Malaga. Silence, on fait pas de Malaga. On fait rentrer du bif, on est malinga. On retate et faire ça. Faut des boules dans la poche pour faire ça. 3 kg de coke dans la chop. On pense qu'il y a à prendre et puis on se tire de là. Comme tu peux le voir, c'est sale ici. Faire du bif à la mort, c'est la seule issue. Benef, il est calme, donc je me salis sur. J'ai les pieds sur le bitume, donc je me salis sur.